Chapitre 17e. Celui qui sort attend l'autre. Il était beau de voir cette jeune femme luttant entre la passion et le devoir. L'amour et la conscience se livraient d'étranges combats, et c'était par respect pour le premier qu'elle ne sacrifiait pas l'autre. Ce premier, ce profond, cet unique amour, elle voulait à tout prix le conserver exempt de souillure. Elle se complaisait au sein de ces luttes incessantes qui la grandissaient à elle-même. Toutefois, quand les orages de sens grondaient comme une mer houleuse, elle ne se dissimulait pas que ces combats nuisaient à ses forces. La nuit pendant laquelle Gaston s'était introduit furtivement chez elle était un avertissement. Encore une audace pareille de son amant et elle était perdue. Elle l'avait elle-même vu sublime dans sa passion. Elle l'avait trouvé beau lorsque, dominant sa faiblesse, il la tenait comme son bien. Son cœur lui-même avait volé au-devant des désirs de l'amant. Adrienne voulut résister, mais conserver cet être idolâtré. Plutôt que de quitter Gaston, elle lui eût dit « Reste, je serai ta maîtresse », car cet amour était désormais sa vie. L'on tient d'autant plus à l'existence qu'un rien peut vous la ravir. Elle aspirait après les heures où les mains brûlantes de son amant faisaient frissonner sa taille. Et lorsqu'elle était avec lui, elle inventait mille prétextes pour faire une diversion à ses tête-à-tête si charmants pour son cœur. C'était dans ce but qu'elle avait écrit à Paris. Ces quelques lignes avaient été le résultat d'un effort inouï, puis les jours de calme étaient revenus. Elle n'avait point reparlé à Gaston de ce qui s'était passé. Pour lui, il cherchait à le faire oublier. La paix était complète, et de nouveau il goûtait un bonheur calme et doux, comme la jeune femme le rêvait dans les circonstances actuelles. Chaque jour, Adrienne attendait une réponse à sa lettre. La réponse ne vint pas, mais un soir le docteur entra. Son front se plissa en regardant la malade. L'homme de science voyait-il le mal en progrès? L'observation médicale n'échappa pas à Gaston. Le sujet seul ne soupçonna pas. Il vit l'ami et non le médecin. Monsieur de Bussiardin était malade. Il avait dépêché à sa femme l'ami, le médecin et le confident. « Nous partirons, » dit Adrienne en apprenant la maladie du duc. « Mais ce ne sera pas pour l'Italie, ce sera pour Paris. » Le docteur comprit la sublimité du dévouement de cette femme. Il lui prit la main qu'il baisa. Deux jours après, ils étaient tous trois à Paris. Avant d'entrer dans son hôtel, la duchesse embrassa Gaston en pleurant. « Dans quelques jours, » lui dit-elle. L'amant comprit la délicatesse de la femme et se résigna. Le duc était gravement malade. Il avait une de ces maladies que le poids des années rend terrible. Le docteur avait prononcé le mot typhus. Lorsque sa femme entra dans sa chambre, il la regarda avec joie, et lorsqu'elle s'approcha du lit, il lui prit la main et la serra affectueusement. « Je n'espérais pas tant de bonheur, » lui dit-il d'une voix affaiblie. « Adrienne, mon Adrienne, que tu es bonne. J'avais bien peur de finir sans te voir. Combien je t'ai méconnue. Tu m'as sacrifié ta jeunesse, pauvre enfant. Mais depuis que je sens la gravité de mon mal, je suis presque heureux. Je ne méritais pas de t'avoir. Je me réjouis presque de m'en aller si tu me pardonnes. » La jeune femme, penchée sur la couche du malade, l'embrassa au front comme elle eût embrassé son père. « Ce baiser est si bon, » continua le malade, « je me sens comme rafraîchi. Vois-tu, mon cher ange, tu m'as fait croire à Dieu. Ton pardon est le sien, n'est-ce pas ?» Adrienne sentit tout à coup dans son cœur un sentiment de tendresse pour ce vieillard. Elle le pouvait sans offenser l'amant pour qui elle n'avait pas trompé le mari. Désormais, ils avaient le droit de vivre à deux dans ce cœur, abîme d'amour. L'un avec ce nom qu'une femme ne donne véritablement qu'à un seul être pendant sa vie. L'autre, sous le voile de cette affection qu'une jeune femme peut accorder à un vieillard dont elle sent la main protectrice et paternelle. Malgré la défense du médecin, la duchesse passait une partie des nuits au chevet du malade. Puis, quand elle rentrait dans ses appartements, elle se mettait à écrire à l'ami. Jenny portait les lettres. Jamais le duc n'avait fait allusion à Gaston. Cependant, la période de la maladie arrivait à son terme. On était au 19e jour. C'était le matin. La nuit avait été mauvaise pour les deux. Le malade avait clairement senti qu'il n'en reviendrait pas. Adrienne avait toussé plus que de coutume. « Adrienne, lui dit-il, embrasse-moi. Tu peux bien embrasser ton père. il ne t'en voudra pas. » La jeune femme mit sa jolie main sur la bouche qui voulait parler. « Écoute, continua-t-il, j'ai un dernier sacrifice à faire, mais il faut que tu me secondes. Tu l'aimes bien, et tu as raison, il ne faut pas que tu sois malheureuse toute ta vie. » Les larmes gagnaient la poitrinaire, elle voulut sortir. « Reste, je t'en conjure !» lui cria-t-il. « Retiens la parole d'un mourant, aime-le. Je voudrais pouvoir vous bénir tous deux. » Il tomba épuisé, le médecin entra et entrevit la vérité. Le surlendemain, le mari d'Adrienne entrait en agonie. Il avait quelques instants auparavant fait appeler sa femme et l'avait embrassée. Pensez quelquefois au duc de Bussiardin, celui des derniers jours. Ce furent ses derniers mots. « Soignons celle qui reste, » avait dit le médecin en sortant de la chambre du mort. Et au moment où le duc abandonnait pour toujours son hôtel tendu de noir, il ajouta en se tournant vers plusieurs amis de la duchesse, « Celui qui part attend l'autre. » Adrienne refusa pendant quelques jours de voir son amant. Sa délicatesse même lui fit un devoir de ne pas lui écrire. 15 jours étaient déjà passés depuis la mort du vieux duc lorsque Gaston se présenta. Il lui fut répondu que madame ne recevait pas. Il revint le lendemain, même réponse. Outré de colère, ivre de dépit, il laissa sa carte avec ses lettres banales, tracées au crayon PPC. Il calomniait ce cœur inépuisable de tendresse. Maintenant, se disait-il dans son aveuglement, maintenant qu'aucun obstacle matériel ne s'oppose à notre amour, elle m'évite, elle me fuit. Ce qu'il lui faut, c'est l'impossibilité. Ce sont les entraves, alors elle est heureuse. L'existence monotone lui déplaît, la bizarrerie de notre rencontre l'a fait, je ne dirais pas m'aimer, mais avoir un caprice. Combien il jugeait mal Adrienne. Si, alors que son cœur bouillonnait, agité par ses pensées, il eût vu, lorsqu'il sortait par la grille, Adrienne soulevant le rideau et lui disant avec un geste de main comme elle l'aimait. La petite Jenny n'oubliait jamais de dire à la duchesse lorsqu'elles étaient seules « On est venu ». Ce jour-là, elle ne remit pas la carte. Elle savait ce que devaient faire ces quelques lettres dans le cœur de sa maîtresse. Celle-ci n'affectait certes pas une douleur qu'elle ne pouvait éprouver. Elle conservait seulement un respect pour le souvenir du mort. Cependant, elle aussi avait soif de voir celui à qui elle pouvait ouvertement dire « Je t'aime. Rien ne peut désormais m'empêcher d'être à toi. » Dévouée corps et âme, Jenny surveillait Gaston autant qu'elle le pouvait depuis la carte pour prendre congé. Derfurt n'avait pas quitté Paris, seulement il ne sortait pas de chez lui. « Il y a bien longtemps qu'il n'est venu, Jenny, » dit un soir la jeune veuve. « C'est sans doute la discrétion qu'il retient, loin de madame. »« Tu as raison, Jenny. Non seulement il aime, mais il a de ces délicatesses qu'on n'attribue qu'à nous autres femmes. Il souffre sans doute beaucoup de ne pas me voir. Pour moi, je passe des nuits d'insomnie en songeant à lui. Écoute, Jenny, va chez lui. S'il n'y est pas, attends et dis-lui que ce soir, entre 9 et 10 heures du soir, une voiture l'attendra à l'allée de Marignan. Il reconnaîtra le coupé bleu, j'y serai. » On était à la fin de juillet. À l'heure dite, l'amant volait dans les bras de sa maîtresse. Il sentit un je ne sais quoi indéfinissable en serrant dans ses bras cette femme vêtue de noir, cette femme vierge encore comme à 16 ans, et qui pouvait lui dire « Mon bien-aimé, je suis à toi. Jamais plus ne m'en séparerai. » Elle congédia sa voiture en disant à Gaston, avec un laisser-aller charmant, « J'aime mieux aller à pied. Je m'appuierai sur ton bras. Puis, si la fatigue est trop forte, nous prendrons la première voiture venue. » Ils gagnèrent Passy ainsi, au milieu d'un babillage d'amour comme peuvent le faire deux amoureux dans un premier rendez-vous. La jeune femme ne s'apercevait pas qu'elle marchait. Les deux mains jointes autour du bras de son amant, elle le regardait à la douce clarté de la lune qui pâlissait son visage déjà si pâle. Mémorable moment de baiser, de soupir, que devineront ceux qui ont aimé. Le temps qui marche si lentement pour ceux qui souffrent devient rapide, un tourbillon pour ceux qui vivent de pareils instants. À minuit, les deux amoureux mouillèrent leurs pieds dans les sentiers couverts de rosées du bois. L'heure, l'espace, le lieu solitaire, tout était oublié. Jamais les pieds mignons d'Adrienne n'avaient tant marché, et elle ne sentait pas la fatigue. Gaston ne songeait pas que la nuit fraîchissait. Il ne pensait pas que la fraîcheur occasionnait le frisson à cette taille charmante, que son bras enlaçait. Une quinte de toux de sa maîtresse le rappela à la réalité. « Revenons, » dit-il. « Déjà ?» répondit la jeune femme, qui n'avait souci que de son trésor. Gaston la saisit dans ses bras comme on prend un enfant bien-aimé, et brûla de ses baisers ce cou déjà pris de froid. « Adrienne, mon âme chérie !» lui dit-il. « Ce seul mot que tes bonnes lèvres viennent de laisser échapper me paie de tout ce que jamais je pourrais souffrir. Ce mot déjà que ton cœur vient de murmurer est le synonyme d'amour. » « Ou le synonyme de mon nom ?» répliqua la jeune femme. Le baiser qu'elle lui donna vint mourir dans un accès de toux. « Adrienne, tu souffres. Viens, il le faut. Je souffre loin de toi. » Les deux amants prirent une voiture qui les ramena rue de l'Oratoire. « À demain, cher cœur, » dit la duchesse, « et tu seras chez toi. » La grande porte s'était ouverte, et la jeune femme grelottante s'enfuit vers son nid.